il y a 20 ans, qu'est-ce qui se passait après le travail? Notre employeur n'en entendait pas parler. À part peut-être des commérages ici et là. Il y a 10 ans environ, Facebook est arrivé dans le décor. Notre vie en dehors du travail est maintenant accessible à tous. On en parle avec Rick Mialou du Centre de recherche d'emploi de Penetang. Salut Rick! Salut Jean-Philippe, comment ça va? Ça va super bien, merci. Pour ceux qui jouent au hockey, vous allez le savoir. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre d'hockey reste dans ça la chambre d'hockey? Exactement. Là, maintenant, c'est au vu et au su de tout le monde avec les médias sociaux et surtout pour les employeurs parce qu'ils vont regarder notre Facebook ou notre Instagram pour voir si on est quelqu'un qui est engageable, si je peux dire. Exactement. L'accès à l'information, justement, aujourd'hui, elle est totalement différente. On en parlait un peu la dernière fois, on se disait ben, pourquoi certains employés ou chercheurs d'emploi ne se font pas rappeler, justement. Ben, c'est des fois à cause de ça. C'est votre affichage. Ça peut être une des bonnes raisons, là, justement, l'affichage sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que, ben, évidemment, comme tu le dis, avant, on pensait que ce qui se passait après le travail, ça restait au travail. Donc, que l'employeur n'avait pas une manière de vérifier cela. Mais aujourd'hui, la game a totalement changé là, avec l'accès à l'information. Parce que quand on partait dans le sud, puis on partait un petit peu sur l'Arumba, on était ça à go avec un peu de boisson dans le nez, on prenait des photos, ça restait dans notre bel album 2 pouces qu'on sortait une fois par année pour dépoussiérer. Exactement. Là, maintenant, on prend ça, on envoie ça directement sur les médias sociaux. Alors, c'est là que ça peut être un peu nuisible pour nous. Faut savoir quoi mettre et quoi pas mettre. Exactement. Je veux dire, parce que à partir du moment qu'on met n'importe quoi sur les réseaux sociaux, évidemment, on s'expose tout simplement à certains risques, même se faire renvoyer. On va pas rentrer dans les histoires de tout. On en a entendu il y a quelques années. Là. Exactement. De tous ces gens qui se sont fait renvoyer à cause de X ou Y raison et tout ça. Quelqu'un qui va fumer et puis qui va se faire filmer. Sais-tu, moi, je me rappelle, je pense d'une histoire que j'ai entendue aux nouvelles. Mm-hmm. La personne était sur la CSST. OK. Et je sais pas pourquoi, elle est allée s'amuser dans le sud. Wow. L'employeur a vu ça. OK. Qu'est-ce que ça a fait d'après toi? Wow. Salut, merci, mon homme. T'es maintenant agent libre. Oui, la CSST, Commission sécurité, Santé et Sécurité au Travail. Commission des Santé et Sécurité au Travail. Exactement. Si t'es blessé. Oui. T'as pas d'affaire à aller dans t'as le sud. T'as aucune raison d'être dans le sud, exactement. À moins que c'est une ordonnance du docteur, d'une certaine manière. Sinon, logiquement. Là, on pousse un peu sa loque, là. Hein? On sait jamais. On sait jamais. Je vais aller voir Dr. Rick si jamais je vais aller dans le sud. Je viens qu'à être malade un jour, là. Il y en a qui s'essayent, on ne sait jamais. Donc, évidemment, donc, à partir du moment dans le passé qu'on faisait ce genre de choses, personne ne pouvait le savoir. Il n'y avait aucune manière de vérifier cette information. Il est dit que, en fait, tout ce qu'on publie sur Internet ne disparaît pas. Ça peut être retrouvé d'une certaine manière. On pense que ce que j'ai fait à cela, 5 ans, 6, 7 ans, 10 ans de cela passé, a disparu. Non, ce n'est pas du tout vrai. Tout ce qu'on fait peut être retrouvé. Donc, il est dit que les ressources humaines. Au fait, 93% des ressources humaines, ils iraient sur les médias sociaux, au fait, pour découvrir un peu plus sur les candidats qu'ils ont. Alors, ils vont regarder ton profil. Exact. C'est qui Rick Mialou? C'est qui Jean-Philippe Rosa? Exact. Exactement. Pour savoir un peu plus. À qui tu as affaire. Exactement. C'est le but, parce que je l'avais dit la dernière fois, c'est que c'est un risque pour tout employeur d'engager quelqu'un. C'est un risque. Donc, ils veulent s'assurer d'avoir la bonne personne en face d'eux. Un petit scénario comme ça pendant 2 secondes. Imagine-toi, vous êtes un employeur, vous avez 2 candidats pertinents que vous avez passé en entrevue. Ils ont des bons CV. Ils ont l'air d'avoir les qualités idéales pour pouvoir avoir le poste pour lequel ils postulent. Mais la dernière vérification que vous avez à faire, c'est d'aller sur les médias sociaux. Et vous allez faire votre vérification sur les médias sociaux et vous réalisez que finalement, sur les médias sociaux, ce que vous voyez par rapport à ce que vous avez vu des personnes durant le 1 heure que vous étiez avec eux dans le bureau n'était pas du tout... c'est différent. Donc imaginez-vous si vous avez des découvertes totalement catastrophique, au fait, d'une certaine manière, par rapport à certains candidats. Donc, si vous avez un candidat qui s'affiche très bien, alors que vous avez un autre qui s'affiche pas du tout bien sur les médias sociaux, lequel allez-vous choisir? Parce qu'on peut être un gars de party. Oui. Là. C'est juste que si tu fais le party, mets pas tes photos sur Facebook. Non, là, exactement. tout le monde là, prend un verre de trop de temps en temps. C'est ça. Mais il ne faut pas le montrer à la terre entière. Exact. Là. Si vous voulez avoir une chance de vous faire rappeler, assurez-vous de ne pas vous faire taguer dans n'importe quelle photo. Ça, c'est un des petits conseils. Ne pas vous faire taguer dans des photos lorsque vous savez... Compromettantes. Exactement. Donc, nettoyez. Faites votre possible, au fait, pour nettoyer votre page Facebook, pour nettoyer votre profil et tout ce qui va avec, pour pouvoir, dans le fond, paraître pertinent, au fait, tout simplement. Là. Parce que si vous ne paraissez pas pertinent, évidemment, les employeurs ne vont pas vous rappeler. Même quand on travaille dans une usine ou si on prend même, comme nous ici, là, à la radio, on est le visage de la station. Si les gens nous voyaient sur la Rumba à longueur d'année, ils diraient, c'est qui cet animateur-là? C'est qui cette personne-là? Exactement. Alors, c'est une très mauvaise image pour la station. C'est clair. Faut savoir doser un peu la note. Ça prend de la tenue, là, évidemment. Là. Donc, c'est sûr que dépendamment du domaine, lorsque nous sommes, évidemment, il y a peut-être certaines choses qui sont le plus permis, mais si on parle du point de vue professionnel et que l'employeur s'attend à ce que vous soyez aussi professionnel, évidemment, n'allez pas mettre des photos qui sont le contraire au fait de ce que l'employeur recherche. Des fois, c'est pas juste les photos, c'est qu'est-ce qu'on marque aussi. Voilà, là. Exactement, ça c'est l'autre chose. Au fait, aussi, une des raisons avec les médias sociaux, ça pourrait être que le profil n'est pas tout simplement complet. Il n'y a pas assez d'informations sur vous. Là, quand j'y pense, ça, je viens de penser à mon LinkedIn qu'il faudrait que je mette à jour. Mais l'avantage... L'avantage pour moi, c'est que je ne suis pas en recherche d'emploi, d'une certaine manière. Tu n'es pas recherché encore. Exactement. Non, ça, c'est l'avantage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les informations soient à jour quand même sur vos pages. Mettez les bonnes informations, écrivez les bonnes affaires, tout ce qui est pertinent pour vous et tout ça. Donc, il faut que votre profil soit complet. Si j'ai une nouvelle carte de crédit, je marque les nouveaux chiffres. Non, pas du tout. Ah non? Ah, OK. Il faut avoir certaines limites. Non, ne mettez pas votre numéro de carte de crédit sur les médias sociaux, mais évidemment, mettez une photo professionnelle, une photo qui vous décrit bien, qui parle bien de vous. Des fois, certaines... on ne veut pas parler de l'amour au premier regard, mais ce que je veux dire, c'est que certains employeurs peuvent juste voir la photo et puis décider s'ils aiment cette personne ou pas. C'est comme un peu un site de rencontre. Oui, évidemment. Exactement. C'est à droite ou à gauche. Exact. Hein? Oui ou non. Il n'y a aucun employeur qui veut engager quelqu'un pour une courte relation. D'habitude, ils engagent pour c'est avoir comme un mariage. Exactement. Donc... C'est comme je disais l'autre fois, employeur-employé, c'est comme un couple. On ne sait jamais les premiers temps qu'est-ce qu'on va retrouver là, chez l'autre personne. On peut avoir des surprises en cours de route puis dire, ben écoute, c'est le divorce. Exactement. Donc, c'est à cause de ça qu'il faut s'assurer que tout soit à point. Là. Il y a plein de choses à dire, évidemment, sur ça. C'est sûr, pour une formation adéquate, détaillée dessus, ne vous gênez surtout pas de venir voir le centre d'emploi. Nous avons des gens qui sont... nous avons, des spécialistes à l'emploi qui sont très bien entraînés. Ils peuvent vous aider avec les médias évidemment. Sociaux. Exactement. Mais il y a beaucoup de choses à couvrir, là. Je regardais un article, justement, qui a apparu dernièrement, le 24 octobre. Donc, ça, c'est hier. C'est là, hier. Dans le fond. Exact. Et il disait, quels sont les réseaux sociaux, les plus utilisés par les entreprises en 2018. Pas par les gens, non. Par les entreprises. Par les entreprises. Ils vont vous surveiller sur ces médias sociaux. Exactement, là. Parce qu'ils ont compris que c'est important. Ils ont compris que, de un, il faut aller sur les médias sociaux, non seulement pour attirer des clients, parce que c'est là qu'ils sont. Les jeunes sont là. Donc, pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de publicité maintenant sur les médias sociaux? Avant Facebook, on pouvait juste avoir que des affaires concernant Facebook. Là, on a des, comment est-ce qu'ils appellent, des bannières publicitaires partout pour certaines entreprises qui veulent au fait tout simplement faire la publicité de ce qu'ils ont. Donc ils veulent attirer des clients. C'est à cause de ça qu'ils veulent y aller. L'autre chose, comme on dit, c'est à cause de la recherche à l'emploi. Ils peuvent aller trouver des candidats potentiels sur les médias sociaux. Donc, alors d'après toi, quel serait le premier réseau social que les entreprises ils utilisent? On dit que de plus en plus, les jeunes vont vers Instagram puis Snapchat, qui délaissent Facebook. OK. Moi, je dirais numéro un, Facebook, mais j'aurais peut-être l'intention de dire Instagram. Bien essayé, mais Instagram est en cinquième position. Ah, j'ai pas un petit morceau de robot, là, pour non, pas gagné d'étoiles dans mon cahier. Pas encore, c'est ça. Et ça, c'est une surprise au fait même que Instagram soit en cinquième position. Parce que, à cause des jeunes, justement, qui commencent à l'utiliser un peu plus. Et aussi, sur Instagram, c'est beaucoup, beaucoup de photos. Oui. Alors, on sait ce qui se passe dans la vie des gens. Exactement. Ça peut être très rapide de juste mettre une photo et puis mettre des hashtags et tout simplement. Donc, c'est très rapide. C'est Instagram, c'est instantané. Donc, c'est ça le but. Mais si on parle des entreprises, qu'est-ce qu'ils utilisent en premier? Ben évidemment, tu l'as dit, c'est Facebook. Facebook. Exactement. Facebook est... C'est encore numéro un. C'est encore numéro un et à date, ça n'a pas changé parce que regarde tous les médias sociaux qui sont créés ou qui vont apparaître. D'une certaine manière, ils essaient toujours de s'allier à Facebook. Donc, ou bien, ben, en fait, Facebook va les acheter parce qu'ils reconnaissent la valeur de ces compagnies et tout ça. Ils ont les fonds pour. Hein? Ouais. Pourquoi pas? Ils ont beaucoup d'argent. Disons que Mark Zuckerberg, il y a les poches profondes, un peu plus que les miennes en tout cas. Je pense pas qu'il a un problème dessus, ça c'est sûr. Ben c'est ça, donc où est-ce qu'ils... Parce qu'il faut avoir le bon réseau social pour investir le bon montant de temps dessus, right? Donc quand on parle de Facebook par exemple, évidemment dans 91% des entreprises qui ont été interrogées par un sondage vont dessus. C'est 9 sur 10. Exactement, ça c'est quand même un gros, c'est un gros pourcentage. Ça veut dire que pour les gens qui nous écoutent, la journée que vous avez été engagé, on a été surveiller votre Facebook avant de vous dire « Oui, on veut mon petit pit ». Il est fort probable, exactement. Et ça, c'est un sondage qui est apparu à peine hier, là, dans le fond. Donc, évidemment, c'est frais, frais. C'est très frais, là, comme du pain chaud, là, oui. C'est au goût du jour. Voilà. Exactement, c'est ça. Deuxième choix, d'après toi? Snapchat. Wow. OK, bien essayé. Ça serait Twitter. Ah ouais, Twitter. Oui, oui, exactement, des tweets. Right? Pourquoi Twitter? Parce que aussi c'est lié avec Facebook d'une certaine manière. Ça a paru après Facebook. Donc je veux dire évidemment, donc c'est aussi quelque chose qu'ils utilisent les employeurs. C'est lié, donc ça c'est pas forcément pour dire que ils utilisent peut-être pas, mais ils utilisent en addition de Facebook. Donc Facebook est en premier, mais après cela, ils utilisent aussi Twitter pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce que Twitter, on met pas vraiment de photos là-dessus, c'est plus des commentaires qu'on va passer. Alors exactement, les employeurs vont surveiller qu'est-ce qu'on marque. Vous... Si on dit pas des niaiseries ou qu'on n'aille pas un certain groupe minoritaire ou des choses comme ça. Voilà, tous les propos que vous pouvez avoir sur Twitter, justement, sont des choses qui restent indéfiniment, ça peut pas être effacé. On le voit avec Donald Trump, ben, c'est repris à tous les jours, exactement, ses tweets et ça alimente les nouvelles, exactement. Aujourd'hui, les médias. On est plus informés au fait sur Twitter maintenant. Pour ceux qui le suivent, ils sont plus informés sur Twitter que le journal de 18h, là, par exemple. Ouais, pour les nouvelles, c'est très bon Twitter. Oui, exactement, parce que les informations circulent dessus très vite. Et en troisième position, on a LinkedIn. LinkedIn. Exactement. Je connais pas vraiment beaucoup ça, moi, LinkedIn. Ça me dit rien. Moi, j'ai commencé à être à l'aise avec, au fait, il y a de cela un an. Mais LinkedIn, il est vu comme le Facebook professionnel. OK. Donc, c'est vraiment pour ceux qui ont le mindset, si je peux le dire, de carrière. Ils pensent vraiment à bâtir leur carrière, à bâtir un réseau professionnel. C'est pas pour aller niaiser, là. C'est pas pour mettre des photos de son voyage à Cuba ou quoi que ce soit. C'est plus pour mettre des informations professionnelles et pour créer un réseau. On a déjà eu une chronique sur comment est-ce que c'est important d'avoir un réseau autour de nous. Et LinkedIn, c'est une des manières justement pour créer un réseau efficace. Parce qu'au travers de ça, vous suivez des compagnies, vous suivez des leaders dans le monde entier. Donc, ils ont des informations qui pourraient être pertinentes pour vous. Vous pouvez voir tout ce qui se passe partout. Le premier contact peut être plus efficace aussi. Exactement. Donc, à travers de cela, vraiment, on sait pourquoi les gens sont là. Donc, c'est pour parler emploi. C'est pas pour parler d'autres choses. C'est vraiment pour parler emploi. Pas pour savoir qu'est-ce que tu as mangé hier soir. Non, du tout. Là, s'il y a quelqu'un qui vous suit sur LinkedIn, ben, c'est pour être connecté avec vous. C'est pour, évidemment, avoir des informations au travers de vous. En quatrième position, évidemment, on a YouTube, qui est très connu, des gens qui vont faire des vidéos dessus. La vidéo, c'est un format, au fait, justement, que les entreprises, ils ont bien compris qu'ils utiliseraient, justement, pour suivre leur monde. Et en dernier, comme tu l'as dit, c'est Instagram. Instagram. Oui, exactement. Exactement. C'est très intéressant, les médias sociaux. Si jamais on voudrait avoir plus de détails, on peut aller à laclé.ca, exact. Vous appeler au 705-549-5227, exact. Ou sinon, aller directement à Penetang, aux deux rues Pointe. Oh oui. Rick Mialou du Centre de recherche d'emploi de Penetang, je te remercie. Merci à toi. On se dit à la semaine prochaine. Au plaisir. Salut.